Bonjour, ravi de vous retrouver sur la radio Gemozo pour une toute nouvelle émission, questions délirantes et drôles d'expressions. Je vais décrypter des expressions avec humour que nous utilisons sans forcément connaître leur origine ni leur réelle signification. Et aussi des questions que nous nous posons et qu'on meurt envie d'avoir la réponse. Combien d'insectes avalent-nous chaque année? Qui a inventé le papier toilette? Pourquoi les chats ronronnent-ils? Est-il grave d'avaler un chewing-gum? Ah oui, ce n'est pas la première fois que ce genre de questions vous passe par la tête. Et on va apprendre des choses, je vous le garantis. Je commence avec une expression, se lever du pied gauche. Être de mauvaise humeur. Rassurez-vous, je ne suis pas levé du pied gauche. Je suis très content de vous retrouver, cher auditeur, chère auditrice. Le pied gauche est le mauvais pied uniquement parce qu'il est à gauche. Ce n'est pas une question d'orientation politique, mais du sens fréquemment péjoratif associé à gauche. Un objet à gauche est tordu, une personne à gauche est maladroite. Il y a des jours comme ça où on se lève du mauvais pied, où on ne prend plaisir à rien. Simone de Beauvoir, tiré du livre Les belles images, chez Gallimard en 1972. Se lever du pied gauche, c'est commencer la journée sous de mauvais auspices. Cette malédiction vient de loin, car les Romains désignaient déjà ce qui est à gauche par le terme « sinistré ». À cause de l'interprétation des auspices où la gauche était considérée comme défavorable. Un sinistre désigne aussi une catastrophe naturelle qui occasionne des dommages et des pertes. Les personnes qui ont subi ce genre de traumatisme ont du mal à y faire face. Certains se replient même sur leurs blessures physiques ou psychologiques. Ils n'arrivent pas à la surmonter. Cette pathologie se nomme la sinistrose. C'est une véritable névrose, une obsession portant sur la réparation du préjudice. La sinistrosis est une souffrance. Elle n'a rien à voir avec une simulation ni avec une recherche calculée d'une compensation. Elle justifie alors des mesures préventives, notamment un soutien psychologique précoce pour les personnes victimes d'un état de stress post-traumatique. Pied droit ou pied gauche, le matin, ce qui importe, c'est de ne pas mettre les deux pieds dans le même sabot. Maintenant, passons à une question. Pas au chocolat ou chocolatine? C'est le débat de la France métropolitaine. Est-ce qu'on dit pas au chocolat ou chocolatine? Vous avez sûrement votre avis sur la question et je respecte. On aime les vinoiseries, on kiffe le chocolat. Alors les deux ensemble, c'est l'extase. Là-dessus, au moins, tout le monde est d'accord. Mais qui a raison? Il semblerait que le premier mot qui a fait son apparition soit bien chocolatine triomphe pour le sud-ouest. Les viennoiseries, comme leur nom l'indique, de Vienne d'Autriche, la capitale Vienne. Viennoiserie, c'est facile. C'est Auguste Zang qui a fait le découvrir aux Français en ouvrant dans notre pays la première boulangerie viennoise au début du 19e siècle. À l'époque, ils vendaient des croissants fourrés au chocolat qu'ils appelaient chocolat d'en croissant. Par flemme ou par habitude, les Français auraient raccourci ce mot en ne gardant que chocolat-dent. Quel oral ressemble pas mal à chocolatine. Avec le temps, le mot chocolatine serait resté, même si la viennoiserie a vite perdu sa forme croissant. Le terme pain au chocolat lui est arrivé plus tard au XXe siècle. On donnait alors aux écoliers du pain fourri au chocolat un goûter culte. Les boulangers de l'époque ont décidé de le reprendre et de décliner les viennoiseries donc avec de la pâte levée feuilletée et certains l'ont nommé ainsi, ce qui pourrait donner un bon point au mot chocolatine par rapport à son rival. Mais en France métropolitaine, pain au chocolat est majoritairement utilisé sauf dans le sud-ouest. Pour nous, c'est un point en sa faveur. On arrive à égalité. Toujours selon moi, restez libre de vos opinions. Puis je vous l'avoue, je veux me fâcher avec personne, la team chocolat, pas au chocolat ou chocolatine est trop impliqué. Courage, fuyons le débat et kiffons la viennoiserie. Je vous rajoute un petit bonus. Combien de baguettes de pain mange-t-on par an en France? Eh ben, 10 milliards. On aime la baguette en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit sur la radio Gemozo pour apprendre des choses dans la bonne humeur. Salut!